Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez, c'est votre émission Forum Jeunes qui vous donne l'occasion de débattre des sujets qui vous concernent, vous les jeunes. C'est tous les lundis à 17h sur la radio Isanganiro. Elles sont souvent tabous et observables dans les milieux communautaires. Elles peuvent être en acte, une tentative, un commentaire ou une avance à caractère sexuel avec ou sans contact physique. Elles sont commises sans consentement de la personne visée. On les appelle les violences sexuelles qui peuvent devenir des violences sexuelles basées sur le genre quand elles sont commises contre une personne en raison de son sexe. Le Burundi, comme les autres pays, sont en train de célébrer les 7 jours d'activisme contre les violences sexuelles. Cette campagne est une opportunité pour mettre en lumière ces abus. Ces violences ne touchent pas seulement un des conjoints, mais les enfants peuvent en souffrir. Dans l'émission d'aujourd'hui, on a préféré toucher le point sensible du noyau familial. Quelles sont les causes pouvant expliquer ces violences? Quelles sont les conséquences sur les enfants? Et quels remèdes peut être envisagé pour venir en aide à ces enfants? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes dans nos studios avec Alice Nsengiyumva, chargée de la communication au sein du Women Initiative for Development, WIDE en sigle. Bonjour et bienvenue Alice. Bonsoir. On avait prévu une autre invitée, Ingrid Kamusoni de l'Association pour la promotion de la fille burundaise, mais elle n'est pas encore là. Mais ce n'est pas grave, on va commencer avec Alice. Aimé Toussaint Mitewuti assure la mise en onde. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Alida Ndaikeza. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Forum Jeunes / Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Pour entrer dans le vif du sujet, je commence par vous, Alice. Dans votre organisation, que faites-vous concrètement pour faire connaître ces violences sexuelles basées sur le genre? Bonsoir à tout le monde. Comme on m'a déjà présenté, je m'appelle Alice Nguyumba. Je suis chargée de la communication de l'association WID, Women Initiative for Development. Pendant les 16 jours d'activisme qui ont commencé le 25 novembre, nous avons mené différentes actions au niveau de la sensibilisation. Nous nous sommes focalisés beaucoup plus sur les écoles. Donc, vous faites des sensibilisations pour sur quel domaine? Sensibilisations sur les violences basées sur le genre ou les droits de la femme en général? Les violences basées sur le genre et les droits de la femme. Donc, comme j'ai dit, nous sommes focalisés sur les écoles. Au niveau aussi des radios, on a participé à différentes émissions radiophoniques. Et qu'est-ce que nous faisons d'abord la sensibilisation au niveau de la prévention. Parce que dans les écoles, là où nous sommes allés, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes. Donc, nous parlons de ces violences parce que la plupart du temps, ces violences sont méconnues. Donc, il y en a même qui subissent ces violences, mais qui ne le savent pas. Donc, nous avons fait cette campagne pour d'abord la prévention, donc expliquer quelles sont ces violences. Et en même temps, pour porter la voix plus loin, s'il y a des victimes qui ont subi ces violences, pour qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent savoir qu'elles ont eu un préjudice et qu'elles puissent savoir comment en parler et peut-être dans quelles structures, les structures qui peuvent aider, comme le centre Seruka, qui peuvent aider quand une personne a subi ces violences. Est-ce facile d'aborder cette question dans un milieu scolaire ou parler de cette question avec les jeunes? C'est vraiment facile? Au Burundi, nous le savons, les violences, beaucoup plus, quand on parle des violences basées sur le genre, il y a les violences physiques, il y a les violences sexuelles qui sont plus, peut-être, plus tabous. Parce que physique, c'est plus facile d'en parler, mais les violences sexuelles, c'est plus tabou, surtout dans la société africaine, notamment au Burundi. Donc, c'est pas toujours facile, mais on est des jeunes. qui sont ouverts. Mm-hmm. Et on essaie de moins mettre le tabou sur ce sujet-là. Parce que s'il faut porter la voix plus loin, il faut en parler. Mm-hmm. Il faut oser, en fait. Notre objectif cette année, c'était pour Ubarukubivuge. C'était le mot qu'il fallait utiliser, Ubarukubivuge. Mm-hmm. Parce qu'on sait qu'au Burundi, c'est oser le dire, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Parce qu'on sait qu'au Burundi, c'est très tabou. Mm-hmm. Donc, on dit à ces jeunes qui ont subi ou qui ont eu quelqu'un qui a subi ces violences, de porter la voix plus loin et de oser le dire. Mmh. Est-ce que vous avez pu déterminer ou voir les catégories à travers les élèves que vous fréquentez, que vous avez côtoyés? Est-ce que vous avez pu décerner la catégorie qui est souvent touchée par ces violences? Ici au Burundi, ces violences, en fait, quand on parle des violences basées sur le genre, d'abord, il y a des violences qui sont commises à la maison. Mm-hmm. Voilà, c'est entre peut-être parents. Mm-hmm. Et ces violences, ça affecte directement aussi les enfants qui sont aussi des élèves. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi ces violences qui sont basées sur le genre, qui sont commises à l'école, des mm-hmm. jeunes filles qui sont abusées sexuellement. Mm-hmm. Donc c'est pour cela qu'on a beaucoup plus basé on s'est focalisé sur les écoles, mm-hmm. parce qu'on sait que surtout au niveau des jeunes filles, mm-hmm. c'est là où ces violences peuvent être perceptibles. Mm-hmm. Quand il y a des jeunes filles qui ont des grossesses non désirées, mm-hmm. c'est au niveau des écoles où on le remarque, cette jeune fille qui abandonne mm-hmm. les études à cause des grossesses non désirées. Donc c'est pour cela que cette catégorie-là des élèves, des jeunes filles qui sont encore au niveau du banc de l'école, c'est celle qu'on a voulu viser pour effectivement faire la prévention pour qu'il n'y ait plus de jeunes filles qui aient ces grossesses non désirées, pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir, mm-hmm. pour qu'elles sachent que quand elles subissent ces violences, elles doivent en parler, mm-hmm. elles doivent oser le dire. Mm-hmm. Donc c'est pour cela que c'est cette catégorie-là, en fait, mm-hmm. des jeunes filles qui sont encore au banc de l'école, qu'on a voulu d'abord sensibiliser pour la prévention et en même temps pour qu'elle puisse élever la voix et sortir de ce silence. Justement, vous venez de toucher un point que les violences sont souvent commises dans les foyers. Comment ces enfants peuvent être touchés? Sinon, comment cela peut handicaper leur développement? Les violences basées sur le genre, surtout quand c'est au niveau familial, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences verbales qui sont psychologiques, ça affecte l'enfant. Les parents qui se battent en présence de l'enfant, les parents qui changent des mots violents en présence des enfants, ça les affecte. Ça les affecte psychologiquement, ça les affecte au niveau de l'estime aussi. Tu vois, quand un enfant a subi ce genre de violence, ça l'affecte dans son épanouissement en tant qu'enfant. Mm-hmm. Mm-hmm. De fait que même quand l'enfant grandit, il garde ou elle garde des séquelles. Donc, parfois, ça s'observe par les mauvaises notes à l'école. Ça s'observe par... Donc, ce sont les signes ou les symptômes d'un enfant qui vit dans un milieu où il y a un conjoint ou quand c'est lui qui subit ces violences. Quels sont les signes qu'on peut détecter à l'endroit de cet enfant? En fait, ça peut arriver. Ce n'est pas toujours... Je ne veux pas dire qu'un enfant qui a des mauvaises notes, ça veut dire que directement, il y a un problème à la maison. Mais ça peut montrer que un enfant... Ça peut s'observer un enfant qui a des mauvaises notes qui sont dues aux violences qu'il subit à la maison, parce que peut-être il n'a pas le temps d'étudier, parce que les parents sont tout le temps en train de se battre, ou aussi parce que psychologiquement ça l'a affecté et du coup il ne peut plus se concentrer sur ses notes. Donc c'est une des des choses qui peuvent se manifester quand l'enfant a déjà été en contact avec ces violences. Et aussi par lui-même, il peut devenir violent parce que il est exposé à la violence à la maison. Mm-hmm. Lui-même, il peut devenir violent, d'où il y a la délinquance et tout ça. Mm-hmm. Et quand l'enfant grandit, ça peut l'affecter quand il devient adulte dans ses relations aussi. Quand on a perdu l'estime, ce soit disons par exemple une fille. C'est pas aussi facile qu'elle s'approche des hommes ou des garçons. Mmh. Ou un homme, alors, un petit garçon, quand il grandit, ça peut l'affecter dans ses relations intimes. Mmh. Il peut devenir violent aussi dans son foyer. Mmh. Donc, pour dire que les violences parentales, les violences basées sur le genre, quand il y a un problème à la maison, ça affecte l'enfant à long terme, en fait. Mm-hmm. Voilà. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui devrait être fait pour venir en aide à un enfant qui a subi ou qui a été en contact avec des violences sexuelles basées sur le genre? Prenons un premier cas pour un enfant qui vit dans un milieu où ses parents se battent, un autre enfant qui a subi donc des abus sexuels peut-être. Mm-hmm. Qu'est-ce qui peut être fait pour venir en aide à un enfant qui est dans cette situation? D'abord, je crois qu'au Burundi, il devait y avoir plus de centres pour pouvoir assister ces enfants. Mm-hmm. Parce que ces enfants ont d'abord besoin d'écoute. Mm-hmm. Vu qu'à la maison, les parents, disons, se battent, ils ne remarquent peut-être même pas... que leurs actes affectent les enfants. Donc, il faudrait qu'il y ait des centres d'écoute pour pouvoir assister des enfants pareils, vu qu'avec toutes les conséquences qui en résultent, que j'ai déjà parlé. Mmh. Et aussi, c'est très bien qu'au Burundi, il y a eu la loi qui maintenant... la loi du 22 septembre 2016, qui maintenant porte sur la prévention, la protection et la répression des violences basées sur le genre. C'est très bien que cette loi, alors, maintenant soit appliquée, parce qu'il y a des lois qui sont mises, qui sont adoptées et qui ne sont pas parfois appliquées. Donc, notre cri, ça serait que cette loi-là soit appliquée sérieusement, pour qu'il y ait d'abord cette prévention-là contre les violences basées sur le genre. Et en même temps, on fait la prévention contre les violences sur les enfants. Donc, on protège en même temps les enfants. Parce que si on fait la prévention, qu'on fait la protection de ces violences basées sur le genre, en même temps, on protège les enfants parce que ces violences parentales qui affectent les enfants pourront diminuer ou même disparaître, si on espère. On comprend vraiment que la place de l'enfant dans cette question est primordiale. Est-ce que vous pensez que, à part la campagne qui est souvent faite pour la promotion de la femme, est-ce qu'on devrait ajouter une autre campagne ou un autre angle qui devrait toucher l'enfant? On comprend vraiment que l'enfant est à protéger. Bien sûr. Mais dans les activités qui sont souvent menées, on montre seulement la femme. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'on devrait inclure, sinon donner plus d'importance à la place de l'enfant? Quand on fait la campagne pour les violences basées sur le genre, on se focalise sur la femme. Mm-hmm. Et je crois que c'est divisé. Mm-hmm. Parfois, quand il y a la journée internationale pour la protection des droits des enfants, on en parle aussi. Mm-hmm. Mais quand on a déjà parlé, on s'est déjà focalisé sur la femme, qui est une maman à la maison, c'est indirectement aussi, on parle aussi des droits de l'enfant. Mm-hmm. Parce que pour le cas présent, où on est en train de parler des violences basées sur le genre, où on se focalise beaucoup plus sur les violences faites aux femmes, si ces violences-là n'existaient plus, ça veut dire que l'enfant aussi, en même temps, sera protégé. Si les mères ne sont plus violentées, s'il n'y a plus de violences sexuelles, s'il n'y a plus de violences psychologiques, c'est-à-dire, en même temps, l'enfant aussi sera protégé. Mm-hmm. Voilà. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous suivez l'émission Forum Jeunes. Une transition et puis on continue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Forum Jeunes d'aujourd'hui, on donne la place ou une opportunité de parler des conséquences qui peuvent toucher un enfant qui a grandi dans un environnement où ses parents ou un des conjoints subit des violences sexuelles basées sur le genre. Dans nos studios, nous sommes avec Alice Senghiumva, chargée de la communication au sein de Human Initiative for Development, qui est une organisation de jeunes filles et jeunes dames qui lutte pour la promotion des droits de la femme. Alice, concrètement, qu'est-ce qui devrait être fait? Il y a différents acteurs qui pourraient contribuer à la protection de ces enfants. En déterminant ces différents acteurs, quelle activité, quel message qu'est-ce qui devrait être fait pour aider, pour venir en aide à ces enfants? Je crois que, j'en ai déjà parlé. Mm-hmm. Si il faut venir en aide en se basant sur la protection ou la prévention de ces violences basées sur le genre, c'est ce que j'ai déjà dit. Au Burundi, avec cette loi qui a été adoptée, cette loi est mise en application à chaque fois qu'il y a la violence parentale, cette violence-là est perceptible. Mm-hmm. C'est-à-dire si, par exemple, il y a une qui ose le dire et qu'elle va se plaindre, que cette loi soit appliquée, qu'elle ne soit pas là juste pour un écrit, mais qu'elle soit appliquée. Donc, c'est un appel au gouvernement ou au ministère de tutelle. Voilà, c'est un appel à toutes les structures, à tous les acteurs qui doivent être là pour appliquer la loi. Mm-hmm. Donc, que cette loi-là ne soit pas juste dans les écrits, mais qu'elle soit appliquée. Mm-hmm. Et pour les associations féminines? Pour les associations féminines, comme on a toujours... Ou de protection des droits de l'homme. Voilà, c'est toujours porter la voix plus loin. C'est aussi, d'abord, peut-être aussi expliquer cette loi, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'il y a une loi déjà qui les protège, qui les protège contre ces violences. Donc, il faudrait aussi la sensibilisation pour cette loi, que les gens connaissent, que les femmes connaissent qu'il y a une loi qui a été mise là pour les protéger. Et donc, c'est là où elles vont oser le dire, parce qu'elles sauront que leur droit, cette fois-ci, est protégé. Donc, elles peuvent être remis dans leurs droits. Voilà. Donc, si une fois, elles subissent un préjudice. Parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas que cette loi existe. Donc, il faudrait aussi vulgariser et sensibiliser cette loi aussi. Et au niveau des associations, comme elles l'ont toujours fait, comme nous autres, nous le faisons aussi, continuer avec la sensibilisation pour, encore une fois, prévenir et permettre de porter la voix plus loin et de briser le silence. Dans tout ce que vous avez développé, on a compris qu'il y a une part de responsabilité des parents pour protéger un enfant. Quel est ce degré de responsabilité? Comment les parents devraient protéger leur enfant, même si c'est eux qui peuvent être source de violences basées sur le genre? Leur part, pour les parents, protéger leurs enfants, c'est éviter ces violences-là. Éviter de montrer aux enfants ces violences. Éviter de se lancer des mots violents en présence des enfants. Éviter les violences physiques en présence des enfants. C'est ça, en fait, qui pourrait protéger les enfants. C'est ça le rôle des parents, le rôle qu'ils peuvent jouer pour protéger leurs enfants. Éviter ces violences, que ce soit à la maison ou même dans un lieu public, parce qu'il y a aussi des parents, par exemple, qui vont promener leurs enfants et ils commencent leur dispute et voilà, ils se disputent en présence des enfants. Mm-hmm. Donc, continuez. Donc, pour les protéger, c'est éviter ces violences. Mm-hmm. Voilà. Et un suivi de près. Un suivi de près, une femme, c'est quand son mari le bat. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un suivi de près de ses enfants parce qu'elle sait qu'hier ou le matin, il y a quelque chose qui s'est passé? Il ne devrait pas y avoir un suivi de près de ses enfants? Effectivement, en fait, quand il y a ce genre de violence, parfois même, on oublie d'expliquer aux enfants ce qui s'est passé. D'expliquer aux enfants. Donc, il faudrait aussi que les parents, quand il y a eu ces violences, essaient de montrer que, voilà, maman et papa se sont réconciliés. Mm-hmm. Voilà, peut-être même d'expliquer ce qui s'est passé hier, c'était juste passager, ça ne va plus se répéter. Mettre en confiance les enfants pour montrer que si c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus. Mm-hmm. Donc aussi, les écouter. Écouter comment est-ce que, émotionnellement, comment est-ce qu'ils perçoivent ça, la violence qui est arrivée, disons, avant-hier ou le matin, qu'il n'y a pas. Parce que la plupart du temps, au Burundi ou en Afrique, surtout, quand ça arrive, les mamans ont plus tendance à le cacher, à ne pas en parler avec les enfants, alors que c'est eux qui sont affectés directement. Mm-hmm. Donc, il faudrait en parler, que les enfants aussi ont quelque chose à dire. Mm-hmm. Parce qu'ils accumulent ça, psychologie. Ils accumulent, comme ils n'ont personne à qui en parler. Mm-hmm. C'est là où, psychologiquement, ça les affecte à long terme. Mm-hmm. C'est là où ils deviennent des délinquants parce qu'ils n'ont pas eu un cas d'échange et d'écoute avec les parents. Mm-hmm. Ouais. Ok. Dans White, vous vous êtes donné l'objectif de faire la promotion des droits de la femme. Quels sont les projets d'avenir on a compris que vous faites beaucoup plus la sensibilisation. Quelles sont les autres activités que vous prévoyez? La sensibilisation, nous nous sommes focalisés sur la sensibilisation pour laisser le jeu d'activisme. Mais sinon, avant, on a fait d'autres activités. On a, en mars 2016, on est allé visiter un orphelinat à Kinama. Après, on est allé visiter un autre orphelinat avec Madame Francine Muyumba, un orphelinat des Calcutta, des sœurs Calcutta. Et on a d'autres projets en cours. C'est pour cela qu'on est entré à la fin de ces jours d'activisme. On est entré d'organiser un événement pour pouvoir collecter des fonds et pouvoir réaliser tous les projets qui sont en cours parce qu'on en a beaucoup, ils sont nombreux. Donc, pour la clôture de ces jours d'activisme, on a un événement le 10 décembre 2016. Ça sera au Caprera Beach, entre le Royal Palm et Janice Beach. Et le ticket d'entrée, c'est 5 000 francs-bouts et 10 000 francs-bouts pour les VIP. Donc, on invite tout le monde à venir soutenir la femme burundaise parce que comme on milite pour son épanouissement, donc acheter un ticket, c'est aussi contribuer à l'épanouissement de la femme burundaise et à construire un Burundi meilleur. Alice Senguiyumva, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes chargée de la communication au sein du WIDE. La radio Isangane vous remercie pour votre contribution dans cette émission. À la présentation, vous étiez avec Alida Ndaikeza. Aimé Toussaint Mitewouti assurait la mise en onde. Bonne journée à tous.